Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je parle avec l'ancien Chilunjika de Kolwezi. Nariongea na mzee Chilunjika wa Kolwezi. Le diacre Mukako. Na Shemashi Mukako. Ils m'ont chargé de saluer les saints de Kambove au nom de Jésus-Christ. Waliniambia nisalimie watakatifu wa Kambove mujina Bwana Yesu Kristo. Prions. Tuombe. Éternel Dieu Tout-Puissant. Wamilele Mungu wa uwezo wote. Créateur de toutes choses invisibles et visibles. Mumbaji wa vitu vyote vya kuonekana na visivyoonekana. Le sauveur de l'humanité. Mokozi wa ulimwengu mzima. Maître des temps et des circonstances. Bwana wa manyakati na mamambo zote. De qui viennent le mouvement et l'être. Kwake ndio kunatoka kuishi na kutenka. Nous te disons merci. Tunasema asanti. Puisque aujourd'hui tu nous as compté parmi les vivants. Kwani leo unatuhesabia katikati ya watu wazima. Et parmi ce peuple que tu prépares pour les noces de l'agneau. Na katikati ya watu wale unatayarisha juu ya karamu ya mwanakondoo. Nous venons à toi puisque nous nous sommes jugés indignes. Tunakuja kwako kwani tunajiona kwamba tustahili. Nous avons encore des manquements. Tungariki na maukosefu. Ainsi nous venons dans ton atelier pour que tu nous façonnes. Hivi basi tunakuwa mchapu yako ndio upate kututengeneza. Oui père. Ndio baba. Nous t'appartenons. Chie tukubako. Nous sommes les fruits de ton amour. Tukutunda ya mapendo yako. Tu nous traites Seigneur comme un père compatissant. Unatutendea sawa baba wa buluma. Qui a goûté la vie de l'homme sur la terre. Ule arionja maisha ya mutu pa dunia. Qui connaît nos faiblesses. Unajua mavuzaifu yetu. Qui connaît nos difficultés. Unajua magumu zetu. Viens-nous au secours. Upate kutusaidia. Nous voici encore présents devant ta sainteté. Shiaba tena mbele ya uwepo wa utakatifu wako. Parle à nos âmes. Useme na manafsi zetu. Console les affligés. Ufariji wenye kuzunishwa. Dirige nos pas dans le voie de la sainteté. Ongoze matua yetu munjia ya butakatifu. Du début à la fin. Mwanzo na mwisho. Conduis toutes choses pour ta gloire. Ongoze kila kitu juu ya utukufu wako. Sauve ceux qui doivent être sauvés. Okoa bale wanapaswa kuokolewa. Guéris les malades. Uponye wagonjwa. Et fortifie ceux qui sont fatigués. Na utiwe nguvu wenye kuchoka. Que la gloire. Utukufu. L'honneur. Heshima. Te revienne. Ikurudirie. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Christ. Amen. Amina. Et nous profitons aussi l'occasion de saluer tous ceux qui nous suivent en ligne. Tunafaidia tena juu ya kusalimia bale wote wanatufuata njia ya internet. Nous vous aimons. Tunamipenda. Amen. Amina. Mettez-vous debout, on va lire. Msimame bwima tutasoma. Je pense que l'Église n'a pas perdu le thème que nous traitons. Nawazia kanisa aisau shina ya mahubiri yetu kuna hubiri. Le bonheur de la première résurrection. Furaha ya kufufuliwa kwa kwanza. On ne peut pas parler de la résurrection et omettre la mort. Hatuwezi kusema yulu ya kufufuka na kusabu kufa. On ne peut pas parler de la mort sans savoir qu'on a vécu. Hatuwezi kusema yulu ya lufu bila kusahau ya kwamba tuliishi. Et nous avons dit à l'église l'auteur de la vie et de la guérison c'est le Seigneur Dieu lui-même. Tulisema kanisa kwamba mwanzishi ya matunzo na buzima ni Mungu yeye mwenyewe. Personne ne peut prétendre guérir quelqu'un. Hakuna mtu anaweza kujisania ya kwamba yeye anaweza kuponya mtu. Même les interventions chirurgicales que les médecins font, atama kupasua ile banganga viko na pasula, il y a une partie qui le revient, kuku kipande yabo, et le reste, na ile yote na bakia, ils abandonnent ça au mains de l'Éternel. Viko na iacha mu mikono ya wa milele. Si Dieu ne guérit pas, kama Mungu ashitunze ashiponye, nous travaillons en vain. Tukunatumika mwabule. Amen. Amina. Et comme nous parlons de la résurrection et de la mort, nous avons parlé hier de savoir comment le diable a été proclamé à l'anéantissement. Na jana tulisema namna kani shetani bali mutangaza ya kwamba watamuteketeza. Qu'est-ce qui a poussé l'Éternel à créer un feu pour lui? Ninini limsukuma wa milele amuumbie moto shetani. Et j'ai attiré l'attention de l'Église. Narivuta angalisho ya kanisa. Qu'il ne faut pas regarder à cela. Ya kwamba msiangalie kuile. Mais regardez à la cause. Alakini muangalie kwa sababu yenyewe. Amen. Amina. Nous avons dit que Dieu a créé des êtres. Tulisema kwamba Mungu aliumba biumbile biwili. A qui il a donné l'âme. Bila alipatia nafsi. A qui appartenait l'adoration. Bile vilistahili kuabudu. Mais tous des pécheurs dans leur environnement. Lakini bile biumbile biote biwili bilitenda zambi kila kimoja pafazi kilikuwa na ikala. Comme hier nous avons vu pour le diable. Jana vile tuliona kwa ajili ya diabolo. Aujourd'hui nous allons parler de l'homme. Leo tutasemea leo yule ya mtu kile tuko. Prenons le livre de Genèse. Tuchugue kitabu ya mwanjo. Genèse chapitre 3. Mwanjo sura yake ya 3. Depuis le 22e chapitre jusqu'au 24e. Mustari ya 22 kufika 22 kufika 24. L'Éternel Dieu dit. Wa milele Mungu akasema. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Tazama mtu anakuwa sawa mmoja wetu. Pour la connaissance de bien et de mal. Vila najua bizuri na bibaya. Empêchons-le. Tumuzuize basi. Maintenant d'avancer sa main. Asikaribishe mkono yake. Étant devenu comme l'un de nous. Sawa vila anakuwa sawa mmoja wetu. C'est qu'on a à faire. Ile tunapasha kufanya. De l'empêcher. Ni tumuzuize. D'avancer sa main. Asikaribishe mkono yake. De prendre de l'arbre de vie. Na sikule asitugue kumuti ya buzima. Da manger. Asikuleko. Et de vivre éternellement. Na ashiishi milele. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole invincible de Dieu. Ni neno ya sipo kugeuka ya Mungu. Empêchons l'homme de toucher encore à l'arbre de vie. Tumuzuize mutu asiguse tena kumuti ya buzima. Afin qu'il ne vive plus éternellement. Ili asikwe tena kuishi milele. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Na wa milele Mungu akamufukuza toka bustani ya Edeni. Pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Ili apate kulima bulongo mule bari mutoshaka. Alléluia. Amen. Quel état déplorable. Alikani ya ole. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Ni muina muna jo alimufukuza Adamu. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une épée flamboyante. Na kaweka kwa subuhi mbustani ya Edeni wakerubi wale walikuwa na tigiza mpanga ya moto. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Jia kuchunga njia ya muti ya buzima. Alléluia. Amina. Vous pouvez vous mettre. Munawezi kuikala. C'est avec consternation. Nina kujina makote. Que Dieu prononce ces paroles. Na nguvu yote ndio pale Mungu anasema hii misemo. Pourquoi Dieu chasse l'homme? Juu ya nini Mungu anamfukuza mtu? C'est lui qui fut créé à son image. Yeye ndio aliumbiwa kwa mfano ya Mungu. À sa ressemblance. Kwa mfano ya Mungu, mupicha ya Mungu. À qui qui il a donné la domination de toute l'œuvre de ses mains. Mutu ule Mungu alipatia utawalo ya makazi yote ile Mungu alitenda na mikono yake. Lui à qui l'adoration lui appartenait. Mungu alipashi kuabudiwa. Ule alipashi kumwabudu Mungu. Ah, l'homme qui devait adorer Dieu. En qui Dieu avait placé une âme. Mutu le ndani yake Mungu aliweka nafsi. Mes frères, banduku zangu, on ne s'habitue pas de Dieu. Aba muzobele yake Mungu. Dieu n'a pas de petits enfants. Mungu ekalake na bankana. Tous nous sommes ses enfants. Sisi wote tuko batoto ya Mungu. Nous lui devons du respect. Tunamupashi kumuheshimu. Et la crainte. Na kumuogopa. Alléluia. Amen. Hier j'ai dit. Jana nalisema qu'il y a des héritages. Ya kwamba kuku maurithi mbili. Les cieux sont le ciel de Dieu. Mambingu ni mbingu ya Mungu. Les anges qui sont. Ba malaika maliko mbingu. Sont au service de ce Dieu là. Beko na mutumikia ule Mungu. Ce n'est pas des héritages. Non. Mbingu haina urithi yabo hapana. Et Dieu a donné un héritage à l'homme. Na Mungu alipatia urithi kwa mtu. C'est la terre. Ni dunia. Alléluia. Amina. C'est un don que Dieu nous a donné. Ni zawadi ile Mungu alitupatia. Il nous l'a pas donné fermant sa bouche, non. Asikuilete na mkufunga kinywa yake hapana. Il nous a dit comment nous devons y vivre. Namunakani tunapashi kuishi mwi dunia. Alléluia. Amina. Il a dit à l'homme alimwambia mtu ce qu'il doit faire kila anapashi et ce qu'il ne peut pas faire. Na kile mtu hawezi kufanya. Alléluia. Amina. Dieu est saint. Mungu yeye ni mtakatifu. Et sévère à ses exigences. Na eko na kanuni yake. S'il dit quelque chose, akisema kitu, il attend que nous puissions l'exécuter à la lettre. Anachunga tupate kukitimiza paka vile anasema. Oui. Ndio. C'est comme Paul le recommande à Timothée. Ni paka vile Paulo anamwagizia Timoteo. Il dit à Timothée. Anamwambia Timothée. Je t'écris ces choses. Nakuandikia bibitu. Avec l'espoir de venir là bientôt. Natumaini ya kwamba takuja sasa hivi. Mais si je tarde. Lakini nikigawia. Sache comment te conduire dans la maison de Dieu. Pate kujua namna kani ya kujiongoza munyumba ya Mungu. Dans la maison de Dieu. Munyumba ya Mungu. On n'y vit pas n'importe comment. Abaishake mu namna yote yote. On n'y parle pas n'importe comment. Hawezi kusema mwaizuru namna gani. On s'y conduit pas n'importe comment. Hawezi kujiongoza munyumba ya Mungu. Chaque chose. Kila kitu. A une ligne à suivre. Kuna kuongozi ya kufata. Ne pas faire cela. Kama ufanye vile. Qui aura des ennuis avec Dieu. Utapata malipizi mbele ya Mungu. Magumu. Alléluia. Amina. Aux femmes. Kwa wanamuke. Il a été donné comment ils doivent se conduire dans la maison. Baliba patia namna kani ya kujongoza mu nyumba ya Mungu. Aux hommes. Kwa wanaume. On leur a dit comment se conduire dans la maison de Dieu. Baliba mia namna kani ya kujongoza mu nyumba ya Mungu. Alléluia. Amina. Mais pour le mariage. Hata juu ya ndoa. Nous ne nous marions pas de n'importe comment. Sisi hatuoane azuru namna gani. Nous avons des règles à respecter. Tuko na makanuni ya kuheshimia. Pour en être digne. Ili tupate kustahili. Amen. Aujourd'hui. Leo. Le monde est à l'envers. Dunia iko kipindu pindu. Même le monde ecclésiastique. Hata ulimwengu ya batu ya makanisa. Ne considère plus la parole de Dieu. Bao abachunge tena neno la Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme. Mungu alimuumba mutu. Le dernier, comme nous l'avons vu hier. Wa mwisho paka vile tuliona jana. Il y le temps de la création. Ulikuwa wakati ile alikuwa naumba. Ce qu'il avait créé. Ila aliumba. Avait un corps spirituel. Ilikuwa na mwili ya kiroho. Mais il fallait passer maintenant à la tangibilité des choses. Sasa ilipashi ifike mwakati ya kuonekana kwa vile. Ah! Amen. Amina. Adam. Adamu. À qui on avait donné la domination. Un jour, le Seigneur l'a matérialisé. Il a façonné la poussière. Il a pris l'homme. Il l'a placé là-bas. Et l'homme est devenu une âme vivante. Na ule mutu akakuwa sasa nafsi iliyekuwa hai. Et tous les animaux. Na banyama bote. Je les a donné un corps. Mungu alibapatia mwili. Mais ce qui était particulier. Ile ilikuwa ya upekee. Et que tous les animaux. Banyia kupitia banyama bote. Étaient en paire. Balikuwa bawili bawili. Mais l'homme, alakini mutu, l'homme, mutu, avait, alikuwa, Eve en lui. Na Eve ndani yake. Alléluia. Amina. Des années et des années, miaka na miaka, Eve en Adam, Eve alikuwa ndani ya Adamu, il n'y avait pas de problème. Akukwe mambo. Et Eve ne pouvait pas pécher étant en Adam. Eve wakati alikuwa ndani Adam hakuwezi kutenda dhambi. Alléluia. Amina. En Adam. Ndani Adam. Eve était protégée. Ah, Eve alikuwa mwenye kulindwa. Sécurisé. Alikuwa katika ukingo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Mon frère, ndugu yangu, ma sœur, dada yangu, pour vaincre, pawe kushinda, nous avons un lieu de refuge. Tuko na fazi ya kufuchamia. Ah! Et toute église, na kanisa yote, doit entrer dans ce lieu-là. Inapasi kuingia pa ile fazi. Pour vaincre. Juu ya kushinda. Faut être où? Inapasi kwa wapi? Anekumenisme? Eti muungano wa makanisa? No. Hapana. Il y a un seul lieu sûr. Tuko fazi tu moya ya uhakika. Pour chacun de nous. Dieu a kila mmoja wetu. Pour être loin de chute et de quoi de chute. Ili apate kwenda mbali na kuanguka. C'est en Christ. Ni ndani ya Kristo. Alléluia. Amina. En Christ, ndani ya Kristo, nous sommes sécurisés. Tuko katika ukingo. En Christ, ndani ya Kristo, loin de la perdition. Mbali, tuko mbali na kupotea. L'église me suit. Kanisa nafuata. Frère Branham disait ceci. Ndugu Branham alikuwa anasema hivi. En Christ, ndani ya Kristo, nous sommes comme des sauterelles dans une bouteille claire. Tuko kama mpanjo ndani ya chupa mweupe. Ah! Même si on jetait la bouteille dans une poulailler, atakama ukitupa ile chupa mchalala, les poules ne feront rien. Bakuku abawezi kufanya kitu. Ils vont picoter. Batapika mbao. Basta picoter les sauterelles. Wazi asema bana mkamata panjo. Les sauterelles peuvent se moquer de. Panjo anawezi kubachekelea. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Mais si tu n'es pas en Christ. Sasa wewe kama una ndani ya Kristo. Qui est en risque et péril. Huku katika hatari na kufa. Faut pas vous contenter d'être dans le tabernacle. Hapana kufurahikia tu kwa ndani ya kanisa. Cela ne vous sécurise pas. Ile haikulinde kukitu. Faut pas rester dans la confrérie. Hapana kubakia tu mushirika kinduku. Cela ne vous sécurise pas. Il a Yesu kukinga. Le seul lieu de sécurité, c'est en Christ. Dani ya Christo. Pourquoi? Jani. En Christ, nous sommes porteurs des signes. Dani ya Christo, tuko na halama. Disant à l'ennemi, tunamwambia adui, ça c'est un domaine privé, ni mambo ya ne touche pas. Pas ifazi. Alléluia. Amina. Même en Égypte, Asandani ya Misri, quand l'ange destructeur passait, il voyait le signe montrant qu'ici c'est une zone intouchable. Et ce signe-là, aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y eut un jour kulikuwa siku moja où Dieu dormit Adam. Ile Mungu alimulalisha usingizi Adam d'un profond sommeil na usingizi wa upana qui était le type de la mort de Christ sur la croix. Ilikuwa ni picha ya kufa kwa Kristo kumsalaba. Dans ce sommeil là, katika ile usingizi, Dieu prit une côte. Mungu alichugua mbavu moya et manifesta la femme à l'homme. Sasa akamonikanisha mwanamke mbele ya mwanaume. C'était une réjouissance pour l'homme. Ilikuwa ni furaha kwa mwanaume. Parce que kwani quand tous les animaux ont défilé devant lui, wakati wanyama wote walipita mbele yake, il n'a pas trouvé une aide semblable à lui. Asikone ko msaidizi wa kufanana naye. Il leur a donné seulement les noms. Alibapatia tu majina. Et tous les animaux, na banyama bote, sont contentés de ces noms-là. Balifurahikia ile majina. Et ils le portent jusqu'aujourd'hui. Na leo ile majina banaichukua na leo. Eve sorti, wakati Eve alionekana, Adam a dit voilà maintenant. Adam alisema tazameni sasa. J'ai une aide. Niko na msaidizi. Sa joie était parfaite. Furaha yake ilikuwa kamilifu. Mais cette joie-là, alakini ile furaha, n'a été que de temps éphémère. Ilikuwa tu ni ya muda mfupi. La présence de la femme. Uwepo wa mwanamke. Dans le jardin. Mubustani. Il y a maintenant l'occasion de chute. Ukakuwa sasa bahati ya kuanguka. Frère Branham dit. Donc Branham anasema. Au commencement. Kumwanjo. C'est la femme qui a amené la chute. Ni mwanamke ndio alileta kuanguka. Et à la fin. Na kumwisho. C'est toujours la femme. Mpaka mwanamke. Mais sœur, est-ce que vous me suivez? Badadangu eti munanifata? Le péché qui a écroulé le monde déjà dit. Il est zambi yangu shishaka ulimwangu ile ya zamani. C'est le même péché qui est brandi aujourd'hui. Jo zambi moya moya kunaonekana na leo. Jésus a appelé cette génération. Yesu alita ikizazi. Méchante et adultère. Kibaya na kisharati. Méchante et adultère. Kibaya na kisharati. Et le message de chaque âge. Na ujumbe wa kila wakati. Amène les produits. Ikunaleta maajabu. De la victoire. Ya ushindi. Amène le remède. Inaleta dawa. De la victoire. Ya ushindi. De par l'habillement. Kupitia mvario. La femme aujourd'hui. Mwanamke leo. Sera condamné du péché d'adultère. Atahukumiwa na dhambi ya busharati. Comment mwanamke atavoir le soutien ya 2 cm kufutika morishiba ya 2 kg? Comment est-ce que la femme peut mettre le soutien de 2 cm pour cacher les seins de 2 kg? Vous extériorisez ça? Unaiacha maziwa inje. Kusudi tu, kusudi. Volontairement et sciemment. Opesa byango kilo. Kilo nini? Au vipatie bei. Bei gani? À vous, kwenu mweye, il vous a donné un remède. Il mipewa dawa. De fuir le péché d'adultère. Ya kukimbia zambi ya busherati. Alléluia. Amina. Vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. Mulipata neema mbele ya Mungu. Eve est allé croiser un prédicateur. Eve arendo kutana na mubiri moya. Le serpent. Nyoka. laissez pas à parler à la femme d'une manière claire. Il lui a montré comment il créait la femme et comment lui était. T'ouvrira l'intelligence. La femme en a accepté. Et il a mangé. Mes frères. La loi de Dieu avait été brisée. La loi disait que chaque semence se reproduise selon son espèce. L'homme était supérieur et la femme s'est donnée à une bête. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Les femmes sont couchées par des chiens. Les hommes couchent avec les animaux. Quelle chute! Quelle abomination! Alléluia. Amen. Dieu. Mungu, il est Dieu exigeant le respect de sa parole. Eko Mungu lanalazimisha kuheshimia neno lake. Chaque soir quand il descendait, kila mangaribi wakati alikuwa anashuka, il n'y avait pas beaucoup de messages. Hakukua ujumbe mingi hapana. Le message était unique. Ujumbe ilikuwa ni moja tu. Vous pouvez manger tous les arbres. Munaweza kula kumiti yote. Mais à celui-ci, lakini kuii, ne touchez pas. Mishiguseko. Il y a la mort. Huko lufu. Alléluia. Amina. Il vient le lendemain. Kesho yake. Vous pouvez manger tous les arbres. Kula kumiti à celui-ci, kui, il y a la mort. Huko lufu. La mondanité. Kidunia. Il y a la mort. Muko lufu. L'église est avec moi. Kanisa inafuata. Un jour. Siku moja. On informe l'Éternel qui était dans son repos. Viens voir ce qui est arrivé à la terre. Frère Franck dit que Dieu était descendu dans une grande colère. Mungu alishuka katika kasirani mwa munene. Juu ya nini? L'homme à qui j'ai donné confiance. Mtu lanaritumainia. Il m'a trahi. Ananikosea. Il m'a trahi. Ananikoseya. Dada. Ma soeur. Kamata banamuke bote banajala bisha. Même si toutes les femmes se corrompent. Mungu akumbingu ananipatia mwe confiance. Mais le Dieu du ciel a mis de la confiance en vous. Oui. Dio. Même dans l'assemblée de Branham. Atamukanisa Branham. C'était un chaos. Et quoi tu n'y vois rien. Quand il est allé recevoir. Wakati anaenda kupokea. La prédication sur le mariage et divorce. Mahubiri yule ndoa na kuvunja ndoa. Quand il pouvait regarder sur l'assemblée. Wakati anaangalia kanisa. C'était un chaos. Ilikuwa ni uharibifu. Les femmes étaient déflorées. Wanawake walivunja mvikira. Les divorcés étaient mariés. Kuvunja ndoa na wenye kwa mundoa. Comment on peut trouver des choses comme ça? Namna kanwe sikutabitwa namna hii. Dans l'église des saints. Mukanisa ya watakatifu. Mwanamke bana mkatala kukopier. Shaka na muoa. Repidia pia. Ana beba. On la prend pas. Quelle fille! Mchafu gani? Elle est femme bonne au mariage. Na bana ume banenda mundoa. Dans un état déplorable. Mwanioe ya mbaya. Febra na madi. Dubra na masi. Nitasema nini? Que dirais-je encore? Que deviendra mon église? Kanisa yangu itakuwa namna gani? Bana mke baisha ya labisha. Les femmes se sont bana ume baisha kwa labisha na. Nitatangaza imambo je. Les femmes, comment est-ce que je peux annoncer cela? Pourquoi? Cet état-là. Il n'est pas digne de mariage. Il est allé à Villa Espaïli Ndoa. Il a monté comme un jangalia. Chacun lorsqu'il so, il se regarde. Comment tu vois? Es-tu digne du mariage? Es-tu na Espaïli Ndoa? Es-tu digne? Es-tu na Espaïli Ndoa? Et si elle n'est pas digne? Kama, et si elle n'est pas digne? Kama si Espaïli. Qui l'a amené à cet état-là? Nani arumpeleka mwile ali? N'est-ce pas toi? Aina wewe. Et Franco, quand il a regardé la chose, Franco wakati aliangalia ile kitu, il dit, anasema, c'est indigne à un saint. Haistahili. Haistahili mtakatifu. Haistahili kwa mtakatifu. D'être au bas de l'échelle. Kwa chini. Sur la liste de ceux qui ont connu une femme. Kwa mustari ya wale wali mjua mwanamke. Jacques, Pierre, Jacobo, André. Yohane, André. Et toi tu es là. Na wewe kumule mwile mustari. Il dit c'est indigne. Anasema haistahili. C'est indigne. Haistahili. C'est un déchet d'une canne qu'on a mâché. Allez, c'est un fougna, pas la toupa. Qui peut manger ça si ce ne sont les cochons? Qui est dit? Personne. Akuna mutu. C'est à cet état-là. Nimuile ali. C'est Ève. C'est amené dans le bras d'Adam. Nimuile ali. Jo Ève a ridipele kateno mikono. Quelle honte. Ayakani. Quelle pourriture. Muchafu kani. Biozo kani. Chujangalie. Examine-toi. Regarde-toi. N'es-tu pas réellement la fille d'Ève? Eti. Wewe na wewe. Auna kweli kweli tu bintu wa Ève. Dieu dit à Frère Branham, Mungu anamwambia ndugu Branham, j'ouvre une brèche. Mina fungula mlango. Dis-leur. Ubaambie que je les pardonne. Ya kwamba mina basamee. Alléluia. Amina. Je les pardonne. Na basamee. Mais anakini, ils n'y reviennent plus jamais. Bashirudirie motena kamwe. Et qu'ils disent à leur fille, qu'ils disent à leur fille, de se garder de la chose. Ya kwamba walichunge sana kuile kitu. Alléluia. Amen. Comprenez notre misère. Mwelewe unyonge wetu. Comprenez notre état. Mwelewe ali yetu. Indigne. Ya sipo kustahili. Je descendis sous une grande colère. Mungu alishuka katika kasirani mwa munene. Asame. Kumukono yake. Inepee. Alikuwa na mpanga. Pour détruire. Ya kuharibu. Celui qui aurait commis la chose. Ule wote alitenda ile kitu. Toute la terre. Dunia mzima. Confusion. Ilikuwa katika mvuruko. Débandade. Ilikuwa ni kuzambalana. Aucun domaine était saisissable. Hakukuwa fasha hata moya ya mzuri. Aucun domaine n'avait la paix. Hakuna fasha hata moya ilikuwa na salama. Le péché trouble. Zambi kuna furusha. Le péché trouble. Zambi kuna furusha. Le péché ôte la paix. Zambi inaotosha salama. Huku waje. Unatenda zambi mbe huku kimya. Comment es-tu comme le péché me tue? Chaque fois. Tu es déjà mort. Chaque fois. Tu es déjà mort. Mungu akushikilie buluma. Que Dieu ait pitié de toi. Dans sa colère, katika kasirani yake, le paix est allé tomber sur un agneau. Mpanga iliangukia tu mwana kondoo, mon frère. Un substitut. Kia kukombola. Une bête innocente. Mnyama wasipokosa. A croisé l'épée de l'Éternel. Alikutana na mpanga wa milele. Vous me suivez? Munanifuata? Vous me suivez? Eti munanifuata? Le sang a coulé. Damu ilimwangika. Le sang a coulé. Damu ili mwangika. L'Éternel a vu le sang. Mwabile la liona damu. Sa colère. Kasirani yake. A été atténuée. Irishuka. Sa colère. Kasirani yake. A été atténuée. Irishuka. Le sang coule. Damu ili kwa na mwangika. L'Éternel vibre. Mwabile la na vimba kasirani. Il commence à poser la question. Akaanza kuuliza. Adam. Adamu. Qu'est-ce qui est arrivé? Ni nini nakufikia? Je suis nu. Niko utupu. J'ai peur. Nasikia boga. Je fuis. Jo minakimbia. Voilà une âme vivante. Jo a nafsi yenye kwa na bujima. Une âme vivante. Nafsi yenye kwa na bujima. Quand elle pêche. Inatenda zambi. Anamwogopaka Mungu. Anakimbiaga. Yengelake na kiburi. Il peut pas rester avec orgueil. Ninakimbia Bwana. Je fuis mon Seigneur. Jafanya mambo. Puisque j'ai commis des bêtises. Niko bunji. Je suis nu. J'ai dit ah. Mungu anasema ah. Tu venu. Uko utupu. Qui t'a appris la nudité? Qui t'a appris ça? Nani anakufundisha ile? Il dit la femme. Anasema ni mwanamke. Comment Eve t'es arrivée là? Namna gani wewe Eve na ulifikia kule? Eve j'ai été séduite. Oh, walinitongoza. J'ai couché avec le serpent. Nalitembea na nyoka. Vous me comprenez? Eti mnanifuata? C'était un péché de sang. Ilikuwa ni zambi ya mudamu. On a souillé le sang. Walichafua damu. Même la voie humaine. Hata njia ya mumutu. La vie a été souillée. Mujima ulichafulika. Vous me comprenez? Eti mnanielewa? Tout péché que vous pouvez commettre, c'est en dehors du corps. Mais le péché d'adultère, c'est dans le corps. L'Église est avec moi. Dieu n'a pas palabré avec le serpent. Mungu ashikuzungumuze na nyoka pana. La sentence est tombée. Hukumu ilianguka pale pale. Comme son père dans le ciel. Sawa baba yake kule kumbingu. Le feu a été créé. Moto baliyumba pale pale. Une existence proclamée. Na wanasema kwamba wewe hautakuwa tena. Son fils aussi. Na mtoto yake naye pia. Son serviteur. Mtumishi wake. Son instrument. Chombo yake. Je lui dis. Mungu akaimwambia. Tu es maudit. Wewe nyoka unalaniwa. Frère, si Dieu te maudit, ndugu yangu kama Mungu anakulani, Dieu maudit éternellement. Niwa milele. Ce que Dieu a maudit, personne ne peut bénir. Mtu akukibariki. Même Dieu ne peut pas l'entrer pour bénir ce qu'il a maudit. Ya kubariki tena kila rilani. L'Église est avec moi. Et kanisa mnafuata. Tu vas perdre les membres. Ou ta potenza viungo. Tu vas marcher sur ton ventre. Ou ta tembeya patumbo yako. Ta nourriture sera la poussière toute ta vie. Chakula yako. Fini. Itakuwa mavumbi mu maisha yako yote kuna malizika. Eve a vu la chose. Eve aliona ile mambo kufanyika. Adam a vu la chose. Adam aliona ile mambo kufanyika pale pale. Que pouvait être leur réaction? Sasa kutenda kwao kujongoza kwao kunipashi kwa namna gani? Batakeneka? Est-ce qu'il peut en courir? Tu es quel genre de chrétien? Huku mkristo wa namna gani? Tu pêches? Unatenda dhambi? Mais tu en parles avec les dents dehors. Lakini unatengeneza na kucheka. Est-ce que tu connais le salaire du péché? Unayua mshara ya dhambi. Kama mimi nikukosea, unihurumie bashi. Alors, si j'étais offensé, pardonne-moi. Ce sont les manières des insensés. Des insensés. On répare le péché avec sincérité de cœur et consternation. Alléluia. Amen. Mungu anasema je t'en viens de couler. Damu yoi inatoka mungu mwangi. J'en ai fini avec le serpent. Mina malizana na nyoka. Se retourne sur son fils. Sasa nageukia mtoto yake. Adam. Adam. Tu n'es que poussière. Huku tu mavumbi. Ton corps ici. Mwili yako hii. Ne peut plus supporter la vie éternelle. Ayezi tena kuvumilia bujima ya milele. Vous me suivez? Unanifuata? Tu es poussière. Tu dois rentrer au poussière. Mavumbi na utalulia kumavumbi. Alléluia. Amen. Ce n'était pas une malédiction. Aïkukwe lana. Mais c'était la mesure gracieuse de Dieu à l'égard de l'homme. Ilikuwa tu ni neema ile Mungu alimfashia mtu. Mwili kama unazeka sana. Ce corps vieillit. Même toi-même. Na wewe mwenyewe. Kwa nini Mungu ni bebe? Dieu. Pourquoi? Ce corps. Dieu mwili. Déchite. Ya kuanguka. D'humiliation. Ne peut pas supporter la vie éternelle. Ayezi kufumilia bushima ya milele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu commence à rentrer au ciel. Mungu anazo kurudia kumbingu. Il est sur la route. Et comme on dit, il jette l'œil derrière. Anangalia kumukongo. Il voit Anaona Adam. Adam. Nu. Mtupu. Ève. Ève. Nu. Mtupu. Toutes les mesures qu'il prenait. Ma mipango yote balichugua. Tombe kadik. Haikuwezekane. La honte. Haya. Était permanente. Il kwa ko kila wakati. Mes frères. Bande kuzangu. Dieu est très miséricordieux à notre égard. Il a couvert notre péché. Et il a couvert notre nudité. Qui est ce Dieu comme celui-là? Qui est un Dieu comme celui-là? Il est un Dieu compatissant. Et comme Mungu wa buluma. Il est un Dieu miséricordieux. Et comme Mungu wa rehema. Il ne nous traite pas selon nos péchés. C'est nous qui allons amener Dieu à nous conduire dans le temps de fait qu'il a créé pour Satan. Alléluia. Amen. Il rentre. Anarudia. Il va récupérer la peau. Akachugua ngozi. Du mouton qu'il avait égorgé. Il y a où le moine condo il a richinja. Pour couvrir nos péchés. Il a couvert les zambizes. Il est allé couvrir. Alienda kufunika. La nudité d'Adam. Utupu yadam. Yepeke Mungu. Lui-même Dieu. Alienda kufunika bunji wa Eva. Il est allé couvrir la nudité de Eva. C'est pourquoi. Je crois mana. On ne peut pas prier ni. Atuwezi kuomba utupu. Non! C'est indigne devant Dieu! Aïstaïli mbele ya Mungu! Dieu! Mungu. Il est digne de respect! Ni Mungu akustahili kuheshimia! Diacre! Diacre! Shemashi! Arrêtez les femmes qui entrent dans l'église ni! Ushimamishe bantu basingie mukanisa utupu! C'est une chute! Ni kuanguka! Les femmes qui entrent! Laissez exposer! Maziwa inje! Sont des séductrices! Kumbele ya Mungu. Devant Dieu. Soyez couverts. Tu peux puisque c'est lui-même. Mounyewe, qui a instauré la chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu. Mungu wetu. C'est lui qui a porté les solutions. Yenjo arileta jibu. Nos solutions. Majibu yetu. Son nul. Iku ya boule. Il a couvert. Arriva funika. Nos péchés. Zambi zetu. Avec le sang. Nadamu. De la bête. Yanyama. Il a couvert la nudité. Arifutika. Avec la peau. Nangozi. De l'agneau. Yamwana kondo. Alléluia. Amen. Il rentre. Jisha karudia. Vers le ciel. Kumbingu. Adam dit. Adam akasema. Eva. Eva. Maintenant. Sasa. Le péché est couvert. Zambi yetu vanaifunika. La nudité est aussi couverte. Na utupu yetu vanaifunika. Rentrons. Turudie. À notre arbre de vie. Kumuti yetu ya buzima. Comme d'habitude. Sawa kawaida. Je dis quoi? Mungu anasema nini? Rentrer à cet état. Kurudia mwile ali. Manger encore l'arbre de vie. Mukule tena kumuti ya buzima. Jamais. Kamwe. Je ne suis pas naïf. Miye mishina wabule. Sina mujinga. Je ne suis pas naïf. Sina mujinga. Chronologiquement parlant. Ufatana na vile kizazi na fatana. Dieu a placé des choses d'une manière nette. Mungu aliweka vitu mnamna ya kuestaya goleana. Le sang de l'homme. Damu ya mutu. Est supérieur. Iku ya yulu. Oui mes frères. Dio vandumza. La vie de l'homme. Bushima mutu. Est supérieur. Buku wa yulu. A la vie animale. Bushindia bushima wanyama. Et la vie animale. Bushima wanyama. Est supérieur. Buku yulu. A la vie de la végétation. Bushindia bushima wanyama. Yanyashi. Manyashi. Vous me comprenez? Eti munanifata. Dieu dit Adam. Mungu akamwambia Adamu. Kama mtu yuko na deni yako ya 10 000 dollars. Si quelqu'un te doit 10 000 dollars. Tu le menaces pour l'emprisonner. Unamkemea juu mfungishishe. Il amène 1 000 dollars. Analeta ko 1 000 dollars. Est-ce que ce problème là est clos? Eti ile mambo inamalizika? Non. Hapana. Il faut donner soit 10 000 dollars. Inapashi wala alete 10 000 dollars. 12 000 dollars. Wala 12 000 dollars. Pour que le problème soit effacé. Ya ile mambo malizike. Le sang de l'animal. Damu ya nyama. Ne fait pas ôter les péchés de l'homme. Alléluia. Le sang animal est inférieur. Et je dis, vous les kérubins descendez. Vous me foucouchez. Allez, chassez-les. Chassez-les. Vous me fougousez. Ayez en main des épées flamboyantes. S'il retourne ici, ne lui laissez pas la vie sortir. Coupez-lui la tête. Allez, Adam commence à fuir. Frère dit, il n'y a jamais eu de femme belle comme Ève. Il n'y a jamais eu un homme joli comme Adam. Ils ne sont pas produits de l'union sexuelle. Ce sont des créatures de la main de Dieu. Comme Mungu la umba, qui tout en camélifo. C'est quelque chose de parfait. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Nini nirifika? Dieu regarde. Mungu anangalia. Eva. Une belle femme. Mwanamke mzuri. Fuyant. Et on a kimbia. Avec sueur. Na jasho. Couverte mwenye kufunikwa de la peau d'un agneau na ngozi ya mwana kondoo qui jaillissait le sang ilikuwa na vuya damu. Quelle est ta moche hali kani ya mbaya. Je regarde. Mungu akangalia. J'ai pitié de l'homme. Akamushikilia mutumbuluma. Et il dit, na akasema, toi weye qui a amené mon enfant, wewe ulisukuma mtoto yangu. Le serpent, nyoka, il a agi de son propre chef. Alitenda kufatana na kutaka kwake. Lucifer a fait pécher de son propre chef. Mais Ève avait été séduite. Aritongozi waka. Alléluia. Amen. Adam avait été trompé. Na Ève ari mudanganyaka. Alléluia. Amen. Dieu dit, Mungu akasema, toi weye, qui a trompé mes enfants, wewe ulidanganya watoto yangu, qui est maudit, unalaniwa. La semence de la femme écrasera ta tête. Il t'aponda kichwa yako. Et tu vas le blesser les talons. Na wewe utamuumiza kisingitino. Alléluia. Amen. Trois choses concluses depuis ces jours-là. Bitu tatu vile Mungu alichukua mpango tangia ile siku. La couverture de péché. Kufunika kwa zambi. La couverture de la nudité. Kufunika kwa utupu. Et la conception d'un plan du salut. Na kutunga mapu ya wokovu. Alléluia. Amen. Quand on est chassé, wakati wali wafuguza, il fuit, walikuwa nakimbia, il se va malere, bana jona baole, il se dit, bana sema, nani atanisaidia, kiva anko nuzede, nani atanisaidia, kiva nuzede, parmi les anges, katikati ya malaika, aucun secours, akukwe msaada, parmi les animaux, katikati ya wanyama, cela ne correspondait pas, bo hawakujua mambo, parmi les semblables, katikati ya personne n'était digne, hakuna mtu alistahili, alors l'homme commence à pleurer, mtu akaanza kulia, kunanisha, c'est fini pour moi, oui mes frères, ndio ndugu zangu. Sans Christ, bila Christo, tu ne passes pas pour l'autre. Nous devions être perdus. Mais Christ, Dieu a mis son amour au comble. Au comble. Il a mis son amour au comble. Il a décidé. Il est venu porter un corps. Comme le corps de l'homme. Un corps de secours. Yamsada. Jésus Yesu n'est pas un homme qui s'est fait Dieu. Ana mutu ula anajifanya kwa Mungu. Non. Apana. Jésus Yesu, c'est Dieu Mungu qui s'est fait homme pour secourir les hommes. Alléluia. Amen. Quel amour. Mapendo gani. Quel amour. Mapendo gani. Mes frères, banduku zangu, considérons l'amour de Dieu. Considérons l'amour de Dieu. Tuangalie mapendo ya Mungu. Si nous chions dessus, kama tukikanyanga pale, aucune miséricorde nous sera encore accordée. Hakuna tena rehema ingine watatupatia. L'église est avec moi. Eti kanisa inafuata. L'église est avec moi. Eti kanisa mnafuata. C'est ainsi que Matthieu 10. Jokamana Matayo 10. À son verset 28, je pense. Musari na watie mbakumi na mnani. Jésus dit. Yesu anasema. Ne craignez pas. Musiogope. C'est lui qui peut tuer ses corps. Ule atauwa hii mwili. Cette mort là. Ile lufu. C'est la sortie de l'âme de ses corps. Ni vya kutosha nafsi mu hii mwili. Poussière. Ya mavumbi. Pour retourner à la poussière. Na kurudie mavumbi kumavumbi. Amen. Amina. Aujourd'hui les églises. Léo Makanisa. Philippins de la mort. Inachambula lufu. des prédicateurs dans les bus. Terrorisent les gens avec la mort. La mort n'est pas une mauvaise chose. La vie est à nous. La mort est à nous. Pourquoi Job dit ceci? Seigneur, si tu pouvais me cacher jusqu'à ce que le temps de ta colère passe, et il y aura un jour où tu te souviendras de moi. Alléluia. Amen. Et nous, Nasisi, nous sommes sauvés par la mort. Alléluia. Amen. Oui, mes frères. Dieu vandu kuzam. Lisons Luc 16. Nous sommes Luca. J'ai dit la vérité. Nasema ukweli. Pour Dieu, la mort, la première mort, n'est pas une malédiction. Ainalana apana. Pourquoi? Nous avons lié avec vous. Nous sommes pamoja na mweye. Que la mort, ya kwamba lufu, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Njoma patano ya bote bengo azima. Watakatifu. Watakatifu. Fumure. Utakufa. Peche. Utendaza. Fumure. Utakufa. Riche. Mutajiri. Fumure. Na wewe mwenyewe utakufa. Pauvre. Masikini. Fumure. Utakufa. Homme. Mwanaume. Fumure. Utakufa. Femme. Mwanamke. Fumure. Utakufa. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Haina mwisho ya hadithi. Alléluia. Amen. Lisons-le. Tuisome. Matthieu 16. Luka sura 16. Depuis son verset 19. Kwanzia mstari ya 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre masikini mumoja nommé Lazare, jina lake Lazare, était couché à sa porte, alilala pa mulango yake, couvert des ulcères, mwenye kwa na vidonda, et désiré se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Alitamani akule kwa tabipande likuwa nanguka kumeza ya umutu mtajiri. Et même les chiens na baimbwa tena venaient lécher ses ulcères. Barukwa na lambula bilonda yake. Quel tableau sombre. Alikani ya mbaya. Ça se passe où? Inafanika wapi? Dans le pays de Dieu. Mwinchi ya Mungu. Qui font ça? Ni banani wanafanya vile? Le peuple de Dieu. Batu ya Mungu. Leurs frères. Badada. Leurs frères. Abanduku zao. Leurs frères. Ndugu yabo. Ndugu yabo. Nécessité. Alikuwa muhitaji. Personne. Alakina kukwe mutu. Ne la sekuri. Ulari msaidia. Paka kujipika pakilari. Sosete selima sitape sili la patri. Muizadi. Muizadi. Muizadi. Musalisema. Mendeka ela. Sasa mambo yu iku hapo. Il passe partout. Anapita fashioti. Personne. Akukwe mutu. Ne la sekuri. Wakumsaidia. Mes frères. Bandukuzam. Quel tableau. Ni alikani ya mbaya. A ses plaisirs. Bilonda biake. Personne. Hakuna mutu. Na pila mena l'hôpital. Wakumpeleka wakupitalo asikuweko. Les gens. Batu. L'ont abandonné. Bali mwacha. Mais Dieu du ciel. Alakini Mungu wakumbigu. A touché le cœur des chiens. Arugusa maro ya baimboa. Pour qu'ils aillent. Juba ende. Mande le plaid de Lazare. Kufunika bidonda ya Lazare. Oui mon frère. Ndiyo ndugu zangu. Oui ma sœur. Dio dada zangu. Ababa tunaona. C'est ça que vous voyez. Ni mateso yako. Ta souffrance. Banaweza kukuachilia. Il devait t'abandonner. Banaweza kukucheka. Ils peuvent se moquer de toi. Mutu. L'homme. Ni mubaya. Il est trop méchant. Mais si les hommes nous abandonnent, kama watu wanatuacha, ce n'est pas l'occasion d'abandonner la parole. Na sisi tena Il y a un Dieu au ciel. Oui. Dio. Église. Kanisa. Quel est l'amour que vous nous présentez? Ni mapendo kani Mungu naonesha. L'acception des personnes. Ubaguzi ya watu. Aina vile. Ce n'est pas ça. Vous vous côtoyez. Muna tembeleana. Les gens de même race sociale. Batu baki ba keo moya. Ba mashikini. Les pauvres. Nana na bangali yaka. Qui les regarde? Mukumbuke. Souvenez-vous, même dans leur deuil, qui sont ceux-là qui les consolent? Oui, mes frères. Même s'ils ont des difficultés, qui sont ceux-là qui vont les aider? Mais vous y allez? Vous allez seulement auprès de ceux qui ont des moyens. Pourquoi? Les jours que je manquerai aussi, qui me viennent aussi en aide, cette façon d'agir, ça n'a pas de récompense devant Dieu. Alléluia. Amen. Je dis la vérité. Minasema ukweli. Et mon cœur même saigne. Na moyo wangu na oui, mes frères. L'église de Dieu. Kanisa ya Mungu. Réveille-toi. Alamuka. Mukumbuka ta kuma fête yenu. Souvenez-vous même dans vos fêtes. Qui nous invitons? Qui nous invitons? Ni nani ule tu kunalika na ni nani ule atualike? Kumbuka. Souviens-toi. Que dit la Bible? Biblia nasema nini? Il faut inviter les gens qui ont la vie joyeuse. Eti, inapashi kualika vantu venye kwa na maisha mzuri. Asema kukaramu. A la fête. Tuyite kwa mamashikini. Invitons seulement les pauvres. Pour qu'ils jublient. Est-ce que c'est ce que l'Église fait? Est-ce que njoo ile kanisa Mungu nafanya? Nous sommes tombés. Tunesha anguka. J'ai dit la vérité. Nina sema ukweli. Et le Seigneur dit, c'est ça. Na mwana Mungu anasema njoo vile. Il a été abandonné. Bali mwacha. Les chiens l'ont secouru. Baimbwa barienda msaidia. Un jour. Siku moja. Lazare. Akakufa. Écoutez ce qui arrive ce jour-là. Musikilize le rifika ile siku. Le pauvre mourit. Umasikini akakufa. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Bakampeleka mukifua ya Ibrahim kwa va malaika. Alléluia. Amen. Kudunia ni mtu wa ovyo. Dans le monde, c'était un homme méprisable. Mais de ce côté-là, il était quelqu'un pour qui on devait se faire. Dieu du ciel. Mungu akumbing. Commandez aux anges Ariamuru, wa malaika, d'aller les porter dans leurs bras. Ya kwamba mwende mumbebe mikono yenu. Wewe kama unakufa nani atakupokelea? Si toi tu mourrais, qui va t'accueillir? Aina lalamiko. Bana kuja? Ce ne sont pas des gémissements que tu vas faire. Oh, le voilà venir. On l'a amené dans le sein d'Abraham. Bari mpeleka mukifua ya Ibrahimu. Mais ku dunia kuna ule anataka kumjika. Mais dans le monde, il n'y a personne pour l'enterrer. Je parle au cœur de l'église. Mina sema kumoyo wa kanisa. La Bible dit. Biblia nasema. Les membres de moindre valeur. Kiungo cha shupo bei. Il faut les entourer d'un grand amour. Inapasha ukikumbatia na mapendo mnene. À l'église de Dieu, kanisa ya Mungu, on n'enseigne pas l'amour. Hawafundishe mapendo. L'amour, mapendo, c'est leur vie. Ni maisha yabo. Et la Bible dit, la Biblia nasema, unamupata frère munjala. Tu trouves un frère affamé. Dans le besoin. Muitaji. Mungu akubariki frère. Que Dieu vous bénisse mon frère. Mungu atakusaidia. Dieu va t'aider. Hein? Il va l'aider comment? Atamsaidia namna gani? Ça c'est ce que la Bible appelle. Je qui le Bible nasema. Aimer des lèvres et des paroles. Kupenda kwa midomo na kupitia misemo bule. Le riche mourit. Mutajiri na yakakufa. Et il fut enseveli. Na bakamuzika. Mais ile siku na waza mliona vile mamotokari itakuwa. Je pense ces jours-là, vous verrez comment les véhicules vont venir en masse. Mangoma itapikiwa. On va tambouriner. Mamotari batapika tiens. Les moutards vont sillonner en défilé. Na batu wote batasema. Ha. Et tous les gens diront, celui-ci. Anengia. Ah, vraiment. Anengia, what? Il vient d'entrer. Il va entrer où? Mungu ashangaliake bile mwe munaangaliaka. Je ne regarde pas ce que vous regardez. Dans le séjour des morts, mune mumakao ya bafu, il leva les yeux, akalamusha macho, et tandis qu'il était en proie au tourment, wakati ile alikuwa nangaika mumateso, il vit de loin, akaona mbali, Abraham et Lazare dans son sein. Ibrahim na Lazare mukifua yake. Il cria, Père Abraham. Akalalamika, Baba Ibrahim. Aie pitié de moi. Unishikirie buluma. Envoie Lazare. Umutumeko Lazare. Que j'avais négligé sur la terre. Ule narisula kapadunia. Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Tante bilole anchongo mai. Et me rafraîchisse la langue. Akuye kunipolesha ulimi. Car je souffre cruellement. Wani mina teseka sana. Dans le flamme de feu. Muindimi ya moto. Abraham répondit. Ibrahim akamujibu. Mon enfant. Mwana wangu. Kumbuka. Souviens-toi. Que tu as reçu des biens pendant ta vie. Ya kwamba ulipata mali pendant. Mais Lazare a eu des maux pendant la sienne. Lakini Lazare aliteseka wakati aliishi pa dunia. Maintenant. Sasa. Il est consolé. Alléluia. Mateso ishikutenge na Kriste. La souffrance ne te sépare. Le temps de consolation vient. Wakati ya faraja kuna. C'est nos faux. Simame imara. Que aucune chose ne sépare de l'amour de Christ. Usikuwe kitu kia kututenganisha na mapendo ya Kristo. Oh, kanisa ikuye kuniangaria. Oh, l'église ne vient pas me. Nitabiacha. Sole, je vais abandonner la foi. Yese ramasi. Huku tukafuatirisha. Les élis, Bateule, ils disent, bon, ben, sema, qu'est-ce qui nous séparera, de l'amour de Christ. Est-ce la souffrance? Est-ce mateso? L'isolement? Est-ce kuniacha? La famille? Ninjala? Non. Apana? Non. Apana? Non. Apana? La souffrance est notre. Mateso ni yetu. Parce que Kwani? Nous attendons un temps de consolation. Tunachunga wakati ya faraja. Terminons la lecture. Tumalize kusoma. Abraham. Abraham. Répondit mon enfant. Akajibu mwana wangu. I wakati. Lazare, anafarijiwa. C'est ainsi, Lazare, consolé. Et toi, tu souffres. Na wesa sona. D'ailleurs. Tena. D'ailleurs, Natena, il y a entre nous et vous katikati yenu mwenye na sisi, un grand abîme. Pekon shima murefu, afin que ceux munamuna kusema bale, qui voudraient passer d'ici vers vous bale batapenda kutoka uku kwenda kule, ou de là vers nous wala kutoka kule kuya uku, ne puissent le faire. Abawezi kamwe kutambuka. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Lazare était mort. Lazare alikufa. Abraham était mort. Ibrahim na ile alikufa. Somrish était mort. Mutu mtajini na ile alikufa. Ce n'est pas ce qui a marqué la différence. Ni kisha njo yoneshe. La différence. Achanisho. C'est là où ils atterrissaient. Ni kule walikuwa naenda njo kuleta achanisho. Vous me suivez? Mona nifuata. Un chrétien. Mon Christo. C'est un homme heureux. Ni mutu wa heri. Pendant sa vie. Maisha yake. Et pendant sa mort. Ata kisha kufa. Tout le monde se retrouvera dans la mort. Avant la mort de Jésus-Christ. Et les saints. Et les pécheurs. Ils étaient tous dans l'abîme. Vous me suivez? L'abîme que nous avons lu. Qu'un ange fermera au-dessus de Satan. Mais même là-bas dans l'abîme. Les pécheurs étaient dans leur parvis. Et les saints dans leur parvis. Un abîme au milieu d'eux. Où est ta part? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Venons pour la